toutes et tous et bienvenue dans le MAG sur Radioactive. Aujourd'hui, c'est à la culture urbaine qu'on va s'intéresser dans cette édition, car nous avons eu, n'ayons pas peur des mots, le privilège de rencontrer Monsieur Plume, célèbre graffeur tourangeau dont les œuvres transforment les murs de nos villes en véritables galeries à ciel ouvert, avec des créations qui ne peuvent que susciter l'admiration. À travers ses œuvres, souvent abstraites, il y a un vrai sens. Monsieur Plume raconte des histoires, exprime des émotions et dénonce aussi parfois des injustices, toujours avec un style unique et une maîtrise technique impressionnante. En septembre prochain, il sera l'invité de l'équipe municipale de Mône pour encadrer un atelier pédagogique avec les enfants de l'école et réaliser une fresque murale avec eux afin de favoriser leur libre expression. Je vous emmène donc avec moi à la découverte de l'artiste. Monsieur Plume, bonjour, ravi de te rencontrer, merci de prendre du temps pour répondre aux questions de Radioactive. Merci, puis bonjour. Alors, l'aventure du graphe, comment ça démarre? Est-ce que tu peux faire un petit peu l'historique de ton parcours? Moi je pense que ça démarre quand j'ai... J'adore le dessin depuis tout petit, j'ai 15 ans, je tombe sur un fanzine de bande dessinée qui fait un article sur un graffeur qui s'appelle Motu, qui est une espèce d'emblème, un peu la référence du graffiti français. Et là, je m'aperçois qu'il fait des dessins sur les murs, avec du talent, avec un style de fou, et je trouve ça génial, ça me fascine. Et en plus, c'est interdit. Alors, quand t'as 15 ans, t'y vas. Oui, il y a le côté contestataire qui est bien motivant dans l'histoire, je crois. Forcément, il y a une opposition à l'adulte quand t'es adolescent. Et puis après, effectivement, tu trouves un sens à ce que tu fais quand tu veux vraiment t'y mettre, quoi. Quand tu le vis tous les jours, je trouve qu'il faut trouver un sens, ouais. Alors, on parle de graffiti, mais pas de street art. Pourquoi ? À mon sens, ça reste que pour moi. Moi, je parle de graffiti parce que ça a une vraie connotation culturelle, sociale et politique. Et le street art, ce mot qui définit beaucoup de trucs très intéressants, mais beaucoup de choses, est quand même un mot aujourd'hui qui a un sens commercial. Donc, moi, j'essaye d'avoir un sens étymologique qui soit dans la naissance de la culture hip-hop, et dans la naissance du culture hip-hop, c'était le graffiti qui était l'une des disciplines. Alors, comment ça prend forme, un graphe? Est-ce que c'est un truc qui est déjà dessiné dans ta tête? Est-ce que ça se fait au fur et à mesure? Comment ça se construit? Aujourd'hui, c'est des choses que je réfléchis constamment dans ma tête, et puis après, je vais jeter des choses sur les murs de plusieurs réflexions. Et je vois, moi, le mur aujourd'hui comme une performance, donc en fait, je ne dessine pas avant les choses. En revanche, dans beaucoup de cas, et même au tout début, tu commences toujours par répéter certains dessins, surtout de la lettre, pour pouvoir les former le mieux possible, et puis pour pouvoir, dans le temps qui t'est apparti, avec les conditions qui sont apparties dans un graffiti dans la rue, arriver le mieux possible à dessiner. Alors depuis une vingtaine d'années, tu proposes des ateliers pédagogiques. C'est un vrai sens important, ça, de pouvoir transmettre aux enfants, notamment ça va être le cas sur la commune de Mône, c'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui. Donc oui, c'est cette notion d'éducation populaire. Complètement, en fait. C'est avant tout un mouvement social dans son histoire, le graffiti. C'est-à-dire qu'en fait, il a été une espèce de voix muette, mais la voix d'une population qui avait des choses à revendiquer. Et du coup, je trouve qu'il a encore son sens dans le fait de le transmettre à des populations qui pourraient être en exclusion par rapport à une société et qui, du coup, auraient des choses à dire. Et donc moi, je viens, je suis les mains, et souvent, je dis, voilà, moi, je suis les mains, vous êtes le cerveau, et qu'est-ce qu'on fait ensemble, quoi. Et donc, ça se construit, pareil, au fur et à mesure, avec les idées des participants, quoi. Oui, alors il y a une vraie démarche pédagogique en fonction du public, parce que forcément, si tu es dans le milieu du handicap, de la psychiatrie, ou même avec juste des enfants, tu n'as pas la même approche, tu vulgarises les choses, et puis tu tends à ce que ça ne soit pas frustrant pour eux, il faut que ça reste ludique, comme ça l'a été pour moi quand j'étais gamin. Et au fur et à mesure, quand on construit les choses, on passe de l'idée à l'image, donc ça c'est mon métier. C'est moi, je vais dire, voilà, vous avez des idées, on va essayer d'en créer une image. Et puis après, il y a toute la réalisation qui va se faire. Et aussi la valorisation, parce que justement pour ces gens-là, ou en tout cas pour la population avec laquelle je vais travailler, il va y avoir toute une reconnaissance nécessaire à dire, voilà, c'est nous qui l'avons fait. Donc, et je trouve ça très bien qu'il y ait ça aussi, parce que ça permet de dire, voilà, la vie n'est pas qu'un échec, ou la vie n'est pas qu'une case dans laquelle on t'a mis. Donc, c'est clairement une création qui est valorisante, évidemment. Et ça t'arrive de bosser par injonction, c'est-à-dire qu'on te dit Plume, tiens, on va te demander de venir, et nous, on voudrait un oiseau bleu, un truc vraiment déjà prédéfini, avec un cahier des charges auquel tu devrais répondre. Si ça a un sens social, toujours. C'est-à-dire que je fais, tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai travaillé dans un CHRS, j'ai fait des papillons, un joueur afghan de cricket, et puis un scarabée, une cascade, un jardin japonais. Enfin, je fais tout ce que tu veux à partir du moment où ça a un sens social et éthique, puis après, c'est mon travail. C'est-à-dire que, tu vois, je fais aussi effectivement de la commande pour des gens, des fois, où il y a une affinité, puis ils veulent vraiment un truc pour leur enfant ou autre chose. là je vais faire ça. Mais souvent, si vraiment je me contrains à faire quelque chose qui n'est pas forcément ce que j'ai envie de faire dans mon travail personnel, et c'est très bien aussi, hein, c'est parce qu'il y a une dimension sociale, une dimension éducative intéressante pour le public. Et là, pour le coup, maintenant, tu as reposé tes valises en Touraine, tu t'es réinstallé dans le coin, parce que tu as quand même pas mal baroudé. Oui, tout à fait. Je suis reposé un peu en Touraine. Ça fait quelques temps maintenant que je suis posé en Touraine. Je ne désespère pas à continuer à barouder, mais avec l'âge, la vie de famille et tout, on fait les choses un peu différemment. Et puis, ça me permet aussi d'avoir un autre travail. C'est vrai que j'ai toujours été dans l'urgence de peindre. C'est-à-dire que j'avais toujours besoin de peindre. Donc, j'ai mangé beaucoup de murs et puis beaucoup d'endroits, toujours dans cette urgence. Et là, peut-être qu'avec le temps et peut-être qu'avec une autre forme de maturité dans la peinture, je cherche aussi à trouver un travail en plusieurs temps. Alors, j'arrive quand même à faire des murs très rapidement parce que j'aime ça, mais à trouver une temporalité différente sur la réflexion, sur la respiration aussi dans la peinture. C'est-à-dire que je réfléchis un peu plus aux choses et je travaille aussi un peu plus sur toile depuis quelques temps, qui était avant un brouillon du mur, qui maintenant a un vrai sens pour moi. Alors j'en profite peut-être pour faire le parallèle avec Chrissé, dont tu ne t'occupes plus, mais enfin, dont tu restes quand même très imprégné. Donc c'est un festival, une manifestation, je ne sais pas comment on peut décrire ça en fait. Mais justement, c'était des toiles qui étaient posées au château à Crissé-sur-Marne, sur Mans, évidemment. oui, c'était des. Alors, c'est des grands formats. Bah, c'est un village historique. On ne pouvait pas peindre les murs là pour une fois. Et puis, c'est un tout petit village. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous invite à y aller et à le visiter. Pendant 10 ans, on a fait en sorte, avec les habitants, de pouvoir confronter une culture urbaine et une culture un peu méconnue, qui est celle du graffiti, avec notre culture locale et régionale. Et donc j'ai invité des artistes qui venaient d'un peu partout en France ou en Europe, 10 par an, et qui venaient faire une performance devant les gens pour la journée. Un festival qui était gratuit, donc encore une fois, c'était quand même quelque chose qui était vraiment à vocation de créer quelque chose d'interculturel et intergénérationnel. Ce festival qui aura donc lieu ce dimanche 7 juillet à Crissé-sur-Mans, ce sera la 12e édition, avec des artistes au village, donc on pouvait effectivement passer ce petit clin d'œil. Le graffiti, c'est à la base un mouvement d'expression sociale de classe populaire, ça c'est quelque chose que tu revendiques. Est-ce que le climat du moment t'inspire des choses ? Ça va forcément avoir une influence. Oui, effectivement, ça inspire. Si on revendique une culture, effectivement, comme tu l'as dit, qui est populaire. En plus, on a une vraie dimension de l'art dans l'espace public. Il est possible qu'un certain parti, si ça passe et qu'ils ont le pouvoir, ne soit pas forcément tout à fait d'accord avec cette culture, qui est quand même une culture qui vient des classes pop et donc aussi des quartiers. C'est quelque chose qui est très valorisant pour les quartiers, pour les classes pop. On représente, même figurativement sur les murs, beaucoup de choses en rapport avec notre culture, qui est celle de la classe populaire. Effectivement, on ne peut pas ne pas passer à côté du fait qu'on n'ait pas envie que cette culture s'éteigne et que la culture en général et la diversité culturelle meurt. Merci beaucoup Plume. Juste pour clôturer, où est-ce qu'on peut voir tes créations ? Sur Insta peut-être ? Sur Instagram, les réseaux ça c'est sûr, monsieur.plume. Et puis bientôt à Mône, je ferai une performance pour le festival en septembre, le 14 et 15. 13-14 même. 13-14 sur Mône en fait, évidemment, et on remercie l'équipe du conseil municipal, Delphine, Didier et Sonia et toute l'équipe qui nous ont permis aujourd'hui de procéder à cette interview. Merci beaucoup. Si tu devais choisir un titre musical, là, pour qu'on se quitte en musique, tu choisirais quoi ? Ah la vache. Je te dirais Denis Hathaway, The Ghetto. Un morceau des années 70 que je trouve plutôt bien, qui irait parfaitement avec le début des années. Ou alors The Message avec Grandmaster Flash, mais ça c'est vraiment un classique du hip-hop quoi. Eh ben tu sais quoi, on va écouter les deux. Merci Monsieur Plume. Merci à vous. Yes, this is the ghetto. Showing up now. Oh,